إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعته. Nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au hadith d'Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu. Donc Al-Mughira ibn Shu'bah rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit ses ablutions et passa ses mains mouillées sur son toupet, son turban et ses chaussures. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc ce hadith, ikhwan fillah, nous indique qu'il est légiféré de passer ses mains mouillées sur ses chaussures et aussi sur son turban. Et ceci est une sunna, car dans de nombreux hadiths, nous retrouvons cela. Beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'essuyage sur ses khoufs. Et certains savants ont même dit que le nombre de compagnons qui a rapporté cela atteint 70. Et les gens de la Sunna ont mentionné l'essuyage, donc sur les chaussures, dans les livres de Aqidah, dans les livres de croyance, pour réfuter la secte des Rafidah. Car lorsqu'ils font les ablutions, ils essuient leurs pieds au lieu de les laver. Et ils ont par cela contredit la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur a mentionné ce hadith ici pour un but bien précis. Il a mentionné ce hadith car il est d'avis qu'il suffit seulement de passer ses mains mouillées sur une partie de la tête lors des ablutions. Et de nombreux savants se basent sur ce hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il s'est contenté de passer les mains mouillées sur son toupet. Et donc ceci est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Abu Hanifa rahimahumullah. Selon eux, il suffit à celui qui fait ses ablutions de passer ses mains mouillées sur une partie de la tête Mais il ne doit pas passer, il n'est pas obligatoire de passer ses mains mouillées sur l'ensemble de la tête et il se base sur ce hadith. Mais en vérité, ikhwani fillah, ce hadith n'indique pas qu'il suffit de passer ses mains mouillées sur une partie de sa tête, mais il indique plutôt que celui qui porte un turban, il lui suffit de passer les mains mouillées sur son toupet. Et il y a un chapitre réservé, donc dans Bulugh al-Maram, à l'essuyage sur les chaussures. Et il s'y trouve des hadiths aussi concernant l'essuyage sur le turban. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous détaillerons plus lors de l'étude de ce chapitre, Inch'Allah. Et donc, on tire de ce hadith deux enseignements. Le premier enseignement est la permission de porter un turban, tant que cela ne contredit pas la coutume du pays. Si le turban n'est pas connu dans le pays où on vit, il faut donc le délaisser. Le deuxième enseignement, la permission de passer les mains mouillées sur ses chaussures. Par la suite, l'auteur, il nous mentionne le hadith de Jabir ibn Abdillah. Donc Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporte concernant la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui-ci a dit débuter par ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Jabir ibn Abdillah, comme vous le savez, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son père aussi était un sahabi. Il fut tué à la bataille de Uhud. Et Jabir radiallahu anhu fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. Et ceux qui ont rapporté le plus de hadiths sont au nombre de sept. En première position, nous trouvons Abu Huraira, radiallahu anhu. Certains parmi les savants ont mentionné qu'il a rapporté 5472 hadiths, tandis que d'autres ont mentionné qu'il a rapporté 5374 hadiths. En deuxième position, nous avons Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui a lui rapporté 2630 hadiths. Ensuite, nous avons en troisième position Anas ibn Malik, le fils de Umm Sulaym, radiallahu anha, qui a rapporté 2286 hadiths. En quatrième position, nous avons Aisha, Umm Abdillah, la fille de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhuma, qui a rapporté 2210 hadiths. Ensuite, nous avons en cinquième position Abdullah ibn Abbas, qui a lui rapporté 1986 hadiths. Et en sixième position, donc, nous avons Jabir ibn Abdillah, donc celui qui rapporte ce hadith, il a lui rapporté 1540 hadiths. Et en septième position, nous avons Abu Sa'id al-Khudri, qui a rapporté 1170 hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Donc dans ce hadith, Jabir, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de débuter par ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Mais les savants ont jugé que ce hadith est faible, mais son sens est authentique. Mais son sens est authentique. C'est-à-dire que nous avons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre version de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je débute par ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Et cette formulation est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim: je débute par ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Et cette formulation est authentique. Et donc cette formulation, je débute par ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, elle nous indique qu'il faut respecter l'ordre du lavage des membres. Mais la question qu'on peut se poser ici est, est-ce que ceci est obligatoire ou c'est simplement recommandé? Et concernant ce sujet, les savants ont divergé en deux avis. Le premier avis est que l'ordre du lavage des membres n'est pas obligatoire. Et ceci est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Selon eux, il n'y a pas de preuve claire indiquant l'obligation. Surtout que selon eux, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait les ablutions dans l'ordre. Le deuxième avis est que ceci est obligatoire. Et cet avis est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah, rahmatan wasi'a, et d'autres savants. Et selon ces savants, l'ordre du lavage des membres est obligatoire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé cet ordre. Quant au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions dans un ordre différent, nous ne pouvons pas les prendre comme preuve dans ce contexte. Et ceci est l'avis le plus juste, incha'Allahu ta'ala, surtout qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset des ablutions, il a donné un ordre dans le lavage des membres et il est obligatoire de respecter cet ordre. Donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est qu'il y a dans ce hadith une preuve de la règle suivante: Al-ibra bi'umum al-alfaz la bi'khusus al-asbab. C'est la généralité des textes qui est prise en considération et non les causes pour lesquelles ils sont descendus. Car malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je débute par ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé », donc pour le hajj, les savants se sont servis de ce hadith dans d'autres domaines, et notamment dans les ablutions. Car ce qui est pris en compte, c'est la généralité des textes. Le deuxième enseignement est de prêter attention à ce qui a été mentionné en premier dans certains versets. Et grâce à cela, on peut constater que ceux qui ont fait la hijra, c'est-à-dire ce qu'on appelle les muhajiroun, sont meilleurs que les ansar, car ils ont été mentionnés avant les ansar. Les muhajiroun, ceux qui ont fait la hijra, ils ont été mentionnés en premier. Ils ont été mentionnés avant les Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 100 de sourate At-Tawbah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Les muhajirines, donc, sont meilleurs que les Ansar, car Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés en premier. Ils sont meilleurs que les Ansar car ils ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en plus de ça, ils ont émigré. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith, l'obligation de respecter l'ordre du lavage des membres lors des ablutions. Et quelqu'un pourrait se dire, qu'en est-il si quelqu'un oublie de laver ses membres dans l'ordre lorsqu'il fait ses ablutions? La réponse à cette question est qu'il n'est pas excusé. Il doit refaire les ablutions du début. S'il s'en rend compte après avoir fini ses ablutions, et s'il s'en rend compte après avoir prié, alors il lui est obligatoire de refaire ses ablutions et aussi de refaire sa prière. والله تعالى أعلى وأعلم. Ensuite, l'auteur nous mentionne un autre hadith, toujours d'après Jabir ibn Abdullah. Donc il rapporte également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions, il passait de l'eau sur ses coudes. Donc ce hadith, comme l'ont mentionné certains savants du hadith, il est faible. Mais son sens est bon. Et la preuve de cela réside dans le verset des ablutions, dans Surat Al-Ma'ida, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée: ô vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et lavez-vous les mains jusqu'au coude. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction, et lavez-vous les mains jusqu'au coude, la majorité des exégètes sont d'avis que les coudes sont inclus dans le lavage. Car ici, la particule ila, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ila al-marafiq, donc jusqu'au coude, la particule ila a le sens de ma'a. C'est-à-dire ma'a, ça veut dire, on peut traduire ça comme avec. De ce fait, il est obligatoire de laver ses coudes lors des ablutions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Par la suite, l'auteur mentionne le hadith d'Abu Huraira. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas d'ablution pour qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Donc le sens apparent de ce hadith indique que celui qui fait ses ablutions, que ce soit pour prier, ou faire le tawaf, ou toucher le Coran ou autre, et qu'il n'a pas dit Bismillah au début des ablutions, ses ablutions sont caduques. Mais en vérité, ce hadith est faible. C'est pour cela que l'imam Ahmad, qui est, comme vous le savez, un imam dans le hadith, dit à propos des preuves indiquant l'obligation de dire Bismillah au début des ablutions, il dit: il n'y a rien d'authentique dans cela. Conséquemment, les savants ont divergé: est-ce que la tesmiya, donc le fait de dire Bismillah, est obligatoire au début des ablutions? Et certains savants sont d'avis que cela est obligatoire. Et dans le cas où celui qui fait les ablutions ne dit pas Bismillah et qu'il délaisse donc la tesmiya volontairement, ses ablutions, selon eux, sont caduques. Tandis que d'autres savants sont d'avis que ceci est recommandé. Et selon eux, il est préférable de dire Bismillah, mais ceci n'est pas obligatoire. Premièrement, car il n'y a pas de preuve authentique, comme l'a mentionné l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et deuxièmement, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas mentionné qu'il disait Bismillah au début des ablutions. Et cet avis est le plus juste, incha'Allah. Et c'est l'avis de la majorité des savants, tels que l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, rahimahumullah. Et c'est l'avis aussi qu'a choisi Cheikh Al-Uthaymin. Après avoir entendu cela, quelqu'un pourrait se demander comment la tesmiya peut-être-t-elle recommandée au début des ablutions alors qu'il n'y a rien d'authentique à ce sujet. Et la réponse à cette question, ikhwani fillah, est que certains savants ont mentionné une règle très importante. Ils nous disent que lorsque le hadith est faible, mais que son action est une chose demandée, son jugement et la recommandation. Je m'explique. Donc nous avons dit précédemment que le hadith que l'auteur a mentionné, donc le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, pas d'ablution, pour qui ne mentionne pas le nom d'Allah, donc ce hadith-là est faible. Malgré cela, dire Bismillah est une bonne chose. Et c'est une chose demandée. Donc certains savants ont dit que dans ce cas-là, cette chose est recommandée et non obligatoire. Ils disent aussi que lorsqu'il y a un interdit dans un hadith faible, cette chose est détestable et non interdite. Et cette règle a été mentionnée par certains savants, notamment l'éminent savant Ibn Muflih, l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre intitulé Al-Muharrar. Ensuite, l'auteur, par la suite, il nous mentionne le hadith de Talha ibn Musarrif. Donc, Talha ibn Musarrif rapporte, d'après son père, puis de son grand-père, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam séparer le rinçage, la bouche du lavage du nez. Donc, ce hadith est un hadith qui est faible. Il n'est pas à prendre en considération. Et celui qui rapporte ce hadith est une personne de confiance. Par contre, son père est considéré comme un inconnu, ce qu'on appelle al-majhoul dans le jargon du hadith. Et les savants du hadith nous mentionnent que les chaînes de transmission où on trouve Talha ibn Musarrif rapporte d'après son père, puis de son grand-père, ces chaînes de transmission ne valent rien. Et comme c'est le cas dans ce hadith est considéré comme un hadith faible. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.